Lecture, l'armée c'est Hunter Killer. 59 grammes, grand son. Eh, cogno, t'as entendu? T'as vu, y'a des petits qui rappent à l'Alma, 4 Nord. 59 grammes. Il paraît qu'ils veulent striker la France. Merde, t'entends ça, cabron? Sur ma route, trop de surca. Sur Beyrouth, fais gaffe à toi. J'arrête ton père ou des checks. 59 mètres. Dédicace au grand frère Minder. La mina, dealer conique la mère. À la France, allez danser. Strike sur la France, regardez votre état. La souche, la lance, ouais, c'est Fianso et c'est Kyra. Sortez les fusils d'assaut et les Beretta. On veut la mort aux fachos dans mon ghetto. C'est la guérilla, c'est des jets pierres. Les braqueux, on les fait taire, les fait fuir. La majeure par terre et au RB, ça tire, raga, peura. Harbi killer, 59 me gras. Algérien, la terreur, baisse les yeux, cache pas. Et je verse une goutte de rapta. Pour tous les frères au car plat, pour tous ceux sans toi. Et les gars, Elma, pour les gars sur le terrain qui courent après les billets. Dealer de shit, qui fait ce qu'il a fait. Madame, 59 grammes. Pour toutes les dames, c'est 59 grammes. Pas de drame, pas dramatique, original ou j'te nique. J'arrive en 4x4, t'es là, j'te mets à 4 pattes. Tu kiffes pas, ça vient de Bruce Adaman. 28 mais dans ta face, man. C'est original, bad boy style. Happy killer, Sofiane, man. C'est quand on parle quoi, Mordini. I wait for this, you know, c'est original. Happy killer, say you know my name. You know my family, my bad boy. You know my hobby, you know my gang. Show up, you know, say, suck my dick. Alors suce-moi au pied, roue baiser sur le bruit. Dans le cerf-